Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Amis auditeurs, cette émission de Regarde ailleurs se compose en deux parties. J'ai rencontré Nathalie à Bali et je suis resté accroché à ses lèvres pendant plus d'une heure à l'écouter me conter son quotidien hors du commun. Nathalie a passé plus de temps en mer que sur terre. Elle nous parle de son histoire, de Pedro, de Timshal son bateau, de sa vie sur les flots et des plaisirs simples du quotidien comme celui de regarder les étoiles tourner autour de son mât. Ce que je fais là, c'est je suis venue voir mes amis, Fer Robert, que j'ai rencontré il y a déjà peut-être, enfin je sais pas trop, j'ai jamais trop la notion du temps en fait, mais je pense qu'il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ou 7 ans? Comment est-ce que tu les as rencontrés, Fer Robert? Donc là on est sur l'île, on est à Bali, hein, en Indonésie, donc on revient 6, 7 ans en arrière. Comment est-ce que tu es arrivé là? On souhaitait avec Pedro... lire, ça nous manquait. Ça nous manquait les mots français, en fait. C'est nos petites racines, parce qu'en fait, sur le bateau, c'est un petit peu difficile parfois, ouais. Ça nous manque. Ça nous manque de rencontrer des gens qui peuvent parler français, des gens qui ont l'humour français, des gens avec qui on peut parler du thym, du romarin, de toutes ces choses-là quoi, qui sont nos racines, quoi. Alors, nous sommes allés à l'Alliance française et puis une jeune femme qui nous a accueillis, une jeune femme très douce, avec une voix mélodieuse et le soleil dans le cœur. Et c'était Faye, et ça a été notre rayon de soleil. Voilà. Alors, Faye, ça a été notre pont entre la France et l'Asie, en fait. Et puis, on s'est rendu plusieurs fois à l'Alliance française, et Faye nous a conseiller des bouquins, et puis voilà, on a dit fait, mais tu passes avec ton mari quand t'as un vieux bateau, quoi. Voilà. Et puis voilà, ça a été le début de cette histoire que je trouve passionnante, et fait, ils nous ont toujours accompagnés durant nos voyages, et nous, en fait, ce qui se passe, c'est que on a plein de familles, en fait, quoi. Au Chili, on a été adoptés par des gens. Au Vanuatu, on a adopté Carmeline, et en fait, on ne sait pas qui adopte qui, mais en fait, on a des familles partout, en fait, maintenant, quoi. Et puis, Fer Robert, voilà, c'est notre famille balinaise, quoi. Voilà. Tu as dit quelques mots intéressants. Donc, tu parlais de bateau, tu parlais de voyage. Je sais que tu t'appelles Nathalie, mais finalement, j'en sais très peu sur toi. Donc, qui est Nathalie? Comment est-ce que tu te présenterais? Bien, Nathalie... Nathalie, c'est une jeune femme qui est née entre les temps et la mer, sur une... On appelait ça la presqu'île de Sète, hein, puisqu'il y a des ponts. Et voilà, vraiment, mon enfance, c'était l'étang de Thau et la mer. Voilà, la mer, se balader au bord de l'eau, passer des heures dans l'eau l'été, ramasser des coquillages. Voilà, c'était entre le mont Saint-Clair qui sépare un peu l'étang et la mer. Voilà. Et puis moi, j'ai toujours eu le désir de vivre, comment je peux te dire, simplement. J'ai toujours eu de tout ce qui était mécanique, électronique. J'étais un peu outsider dans le sens où j'avais beaucoup d'amis, j'avais les amis qui faisaient du sport, les amis qui lisaient beaucoup, les amis qui allaient en disco. Et moi, je n'ai jamais trouvé ma place là-dedans, quoi, dans aucun des groupes, quoi. Et je me disais toujours, oui, mais moi, ce que je veux faire, en fait, c'est... je veux vivre à un autre rythme, quoi. J'ai mon propre rythme. Et j'ai pas envie de faire partie d'un groupe, quoi. Alors, lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon permis moto et je suis partie toute seule. J'ai descendu l'Espagne tranquillement. Je suis passée au Maroc avec ma 600 XL et Honda. À 18 ans, là. Donc là, ouais. Tu pars toute seule à travers l'Europe, enfin vers l'Afrique. Ouais, ouais. Et donc, puis là, je m'aperçois assez rapidement qu'on n'est pas si libre que ça, en fait, en moto, quoi. On a besoin de bateaux, on a besoin d'essence, on a besoin de pas mal de trucs, quoi. Donc je me dis, ouais, tout compte fait, non, la moto, c'est pas ça en fait, quoi. Non, c'est pas ça en fait, ce que je veux, c'est pas ça. Et puis, j'avais fait un stage de voile lorsque j'avais 11 ans. Et je m'étais dit à cette époque-là, quand j'aurai les moyens, enfin, lorsque je travaillerai et que je pourrai me payer, non, déjà, un stage de voile, j'apprendrai à faire de la voile pour un jour, ben ouais, pour un jour me balader, quoi, à mon rythme. C'est ce que je voulais, c'est à mon rythme, quoi, surtout. Et puis, exactement ça, quoi. Après mon expérience de moto, j'ai pu bosser. Et la première chose que j'ai faite, le premier samedi, je suis allée dans une école de voile et j'ai appris à faire du dériveur. Et puis là, je sais pas, c'est tous les souvenirs de quand j'étais petite, sur les bateaux, sur les temps de tout. Et je me suis dit, oh, mais c'est ça quoi, mais c'est exactement ce que je veux quoi. J'étais sur un petit dériveur avec la barre et l'écoute à la main et je me disais, mais, oh, mais quelle liberté, mais c'est, oh. Moi j'étais en communion parfaite quoi. Je me suis dit, j'ai trouvé quoi. Ouais, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait, quoi. Et puis ensuite, voilà, j'ai rencontré Pedro, qui travaillait aussi à l'école de voile et qui était en train de construire son bateau. Et donc, son bateau, c'est un bateau en acier. Et on construit à l'envers un bateau en acier. Enfin, un bateau, on le construit à l'envers, souvent, lorsque c'était l'acier. Là, je voyais cette coque avec la quille. On aurait dit un sous-marin, quoi. C'était impressionnant. Je me disais, mais c'est incroyable, ça. Et puis Pedro, que j'ai rencontré, mais lui, c'était ma vie. Mais c'est, tu vois, ce bateau, une fois qu'on va le retourner, ben, bon, je vais partir, je vais m'envoler, quoi. Je me disais, mais c'est incroyable, parce qu'un bateau, c'est aussi un oiseau, quoi. Moi, ça me faisait vraiment halluciner, quoi. Et puis Pedro, ben, à force de se rencontrer, de discuter ben, de la mer, de ce qu'on avait envie tous les deux, on se disait, mais c'est drôle, on a quand même envie de pas mal de choses en commun quand même, c'est étonnant ça quoi. Et puis voilà, j'ai commencé à l'aider pour le bateau, doucement, doucement, placer une tôle, tenir la tôle pendant qu'il soudait, enfin des petites choses comme ça qui ont fait que, ben, en soudant ce bateau-là, on a soudé aussi quelque chose tous les deux quoi. Et là, tu as quel âge ? Alors là, je suis partie à l'âge de 25 ans, donc j'ai rencontré Pedro à l'âge de 23 ans. Oui. Donc tu as fait quand même 25 ans. Là. Et donc à l'âge de 25 ans, avec Pedro, vous décidez de mettre ce bateau à l'eau et de prendre le large. Oui, exactement. Mais en fait, je projetais, j'imaginais, mais je ne savais pas ce que ça allait être en fait. Quoi. C'était des images que j'avais dans ma tête. Il me semblait que c'était ce que je recherchais. Mais en fait, c'est l'inconnu, parce que parfois, on imagine que les choses vont nous plaire ou on imagine que c'est ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas vécu les choses, eh bien, on rêve, et puis tout à coup, ça peut se passer que ça ne nous plaît pas ou ça ne représente pas du tout ce qu'on pensait. Ou, voilà, quoi. Mais, voilà, aussi, j'étais partagée, quoi. C'était aussi l'inconnu, puis c'était surtout coupé aussi, il y a eu ça, le cordon, quoi, parce que tu pars le jour ben, où tu largues les amarres du quai de Sète, ben, tu sais que c'est arrivé ce jour-là, quoi. Puis tu sais qu'il y a ta famille sur le bord du quai, et tout le monde sait que tu ne pars pas faire un petit rond dans l'eau, quoi. Donc c'est un moment où ça c'est presque une douleur physique, même si j'étais très très heureuse. Hein. Je languissais, j'avais hâte de partir, mais eh bien ce jour-là quand même j'ai trouvé que c'était difficile. C'était symbolique, hein. C'était quand on a largué les amarres, c'était comme si quelque chose qui se coupait, quoi. C'était même physique, quoi. C'était dur, quoi, quand même. Quand on largue les amarres pour prendre le large, c'est pour aller où? Pour combien de temps? Est-ce qu'on le sait à ce moment-là? Ou est-ce que tu savais à ce moment-là que le voyage... Combien de temps allait durer votre voyage? Non, moi, pas du tout. En fait, ce qu'on voulait, c'est avoir cette expérience de liberté. Et puis, c'était un rêve aussi. C'était le rêve de Pedro. Puisque Pedro, depuis tout petit, il construisait ses bateaux. Depuis tout petit, il voulait partir, il voulait aller voir le monde. Et moi aussi, depuis toute petite, j'avais envie de me balader. Et je pensais toujours à cette moto, quoi. Je me disais, je partirai un jour, quoi. Mais non, nous, on n'est jamais parti avec un plan, en fait. Jamais. On n'a jamais dit, on va là. On n'a jamais voyagé comme ça. Non, absolument pas. On ne savait pas si ça allait durer un mois, deux mois, trois mois. Nous, on espérait que ça dure longtemps, puisque c'était un vœu qu'on avait, quoi. Mais on n'en savait absolument rien. Non, et puis on n'avait pas envie de savoir, on ne voulait pas savoir. Pour nous, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas du tout intéressant. On ne se posait même pas la question, les gens demandaient, partez pour combien d'années? Mais on disait, mais je sais pas, nous, on s'en va, quoi. On s'en va, il ne faut pas nous poser des questions sur combien d'années, ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Nous, on n'en sait rien, quoi. Parce que sinon, on sait toujours plus ou moins ce qu'on va faire. Hein. Je sais pas, lorsqu'on habite à terre, on sait toujours plus ou moins ce qu'on va faire. Quoi. Puis l'expérience qu'on avait de notre vie à terre, on savait toujours plus ou moins ce qu'on allait faire le lendemain ou le mois d'après. Et là, vraiment, mais c'est... t'appréhendes le temps aussi d'une façon complètement différente. Quoi. Mais c'est pas inquiétant. Moi, ça m'a jamais inquiété. Quoi. Et ça, je le savais pas, par contre. Je me disais, je sais pas, le fait de pas savoir, parce que je sais pas si ça va me plaire, je sais pas trop quoi. J'ai envie que ça me plaise, mais je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si ça va pas m'inquiéter ou pas. Et puis en fait, mais non, mais ça m'a pas inquiété du tout quoi. Du tout. Au contraire, quoi, ça m'a... Combien de temps tu as passé sur l'eau? Bien en fait, sur l'eau, dans un premier temps, on a habité avec Pedro dans un tout petit bateau, lorsqu'on construisait le bateau. Mais avec ce bateau-là, on n'a pas trop bougé. Mais on habitait à bord quand même. Donc quand vous construisiez le bateau, vous habitiez dans un autre bateau? Oui, en fait, avec Pedro, on n'a jamais habité dans une maison. Donc on habitait dans ce petit bateau de 7 mètres, où on n'avait pas la hauteur sous barreau, où on avait toutes nos affaires. Et moi, je travaillais à ce moment-là. Et puis Pedro aussi, il travaillait à l'école de voile à ce moment-là, quoi. Mais par contre, on habitait dans une marina. Il fallait que le bateau soit dans la marina, parce qu'en fait, il nous fallait un minimum de, si tu veux, de confort, parce qu'il fallait, il nous fallait les sanitaires, il nous fallait des habits, parce qu'on allait travailler le matin, il fallait qu'on puisse laver nos habits, il fallait qu'on ait une launerie pas loin, il nous fallait un moyen de locomotion pour aller bosser. Bon, même si c'était paumé, parce que le port de Frontignan, t'avais pas de bus ni rien, je veux dire, l'hiver, là-bas, c'était vide, quoi. Il y avait rien du tout, quoi. Donc, en fait, on vivait dans un bateau, mais on était plus terrien, quand même, hein. On avait une vie de terrien, quoi. Mais il nous fallait... on déconnectait, quoi. Dès qu'on mettait le pied sur le ponton, on arrivait dans un autre monde, quoi. Déjà sur le ponton, tu vois. On était entre la terre et le bateau, parce que le ponton, c'est très symbolique aussi. Et puis alors là, quand on rentrait dans Berlingo, alors là, c'était, voilà, c'est le petit nid, c'était plus le même monde, quoi. Tu vois, c'est là aussi, c'est pareil, quoi. T'arrives du boulot, bon, tu laisses la voiture sur le parking. Déjà, tu marches sur le ponton... C'est un autre monde. Et alors, encore après, tu rentres dans ton bateau, c'est encore un autre monde. Donc, parfois, c'est un peu délicat de se reconnecter assez rapidement, quoi. Tu vois, tu ne sors pas du bateau, là, comme ça, et tu te dis, je vais bosser. Non, il faut quand même quelques temps, quand même, quoi. Ouais. Le grand bateau, donc là, tu parles du petit bateau de 7 mètres. Le grand bateau, il fait combien? Parle-moi de ce bateau, déjà. Est-ce qu'il a un nom? Et comment est-ce qu'il est? Essaie de nous recréer une dimension. Ferme les yeux et imagine-toi un moment en mer et parle-nous de ton bateau. Raconte-moi ce qui s'y passe, ce que tu y fais. Une journée type, emmène-nous en mer, une journée type sur ton bateau. Comment ça va se passer? Une journée type, déjà, ça dépend si on est au mouillage, si on est à l'ancre, quoi, hein, dans une baie, ou si on est en mer, en fait. Hein. Bon, enfin, moi, ce que je préfère, c'est lorsqu'on navigue, en fait. Hein. Alors notre bateau, il s'appelle le Timshal. Timshal, on dit tout le temps, c'est le mot le plus important du monde. En fait, c'est un mot qui est dans le Premier Testament. C'est un mot que Pedro a trouvé dans un livre de John Steinbeck. Et en fait, la traduction française, enfin, c'est « tu peux, mais tu peux ne pas ». En fait, on pourrait le traduire « tu es le capitaine de ta vie ». on pense que ce n'est pas écrit. Voilà. Et puis Tim Charles, c'est exactement ça. Parce qu'avec toutes ces aventures, on a passé pas mal de caps difficiles avec Pedro aussi, avec la maladie. Et puis, voilà, quoi. On a toujours su qu'on allait le faire, ce bateau. Enfin, on a toujours su qu'on allait le terminer. Parce qu'en fait, Tim Charles, c'est pas un bateau. Tim Charles, c'est une super belle histoire d'amour, quoi. Parce que Tim Charles, il est né de nos mains, quoi. Mais aussi, Tim Charles, c'est lui qui nous a permis aussi de le faire, quoi. On n'est pas seulement les géniteurs de ce bateau, quoi. Lui aussi, Tim Charles, il a voulu naître de nos mains, quoi. On a l'impression qu'il s'est battu avec nous, qu'il a dit, mais moi j'existe aussi, je vais exister, continuer à vous battre, moi je suis là aussi. Et alors du coup, on a une histoire tellement forte avec ce bateau, quoi. Mais si tu veux, on ne considère pas non plus que c'est notre enfant, ou c'est pas ça du tout, hein. C'est juste que c'est pas un bout d'acier, un bout de ferraille qui nous permet de bouger, quoi. C'est juste pas ça, quoi. Et donc Tim Charles, en fait, il vit tout avec nous, quoi. Il vit tout avec nous. Quand on a des aventures, on sent que lui aussi, alors il est bien. Lorsqu'on a traversé l'océan Atlantique, la première grande traversée que nous avons faite, eh bien, c'est comme si tu avais un grand ventilateur à l'arrière du bateau, hein, traverser l'océan. Donc c'est relativement, au niveau technique, c'est assez facile, quoi. Parce que tu mets tes voiles en ciseaux pratiquement. Ou... C'est pas une allure difficile, c'est pas une allure qui te demande, tu vois, beaucoup de force ou de rééquilibrer en permanence. Non, traverser l'océan Atlantique, c'était, t'avais ce grand ventilateur derrière nous et on avançait, les milles avançaient. J'ai l'impression qu'on était sur un tapis roulant, tu vois, et Tim Charles, il était là, il se dandinait. Et tu sens que tout va bien, quoi. Tu sens, on est en harmonie avec lui. Puis Tim Charles, il s'envole parfois, quoi. Et Tim Charles, c'est lui qui décide parfois, hein. Nous, on n'est pas là, c'est pas nous qui décidons de tout, hein, lors de la navigation. Hein. Parfois, il fait sa tête aussi, hein. Parfois, il veut pas. Et malgré qu'on puisse techniquement faire les réglages et tout ça, tu sens que, bon, parfois, il y a de la résistance, quoi. Enfin, nous, on s'imagine pas que c'est nous, par notre technique seulement, qui faisons avancer notre bateau. Non, il y a quelque chose de magique, quoi, aussi, quoi, avec lui. Tim Charles, en fait, c'est un énorme oiseau. Il est très lourd, Tim Charles, en fait. Il est en acier, déjà. Puis il est plein. Tim Charles, il est plein. C'est un bateau qui a toujours été plein. Parce qu'en fait, nous, on est partis, on n'a plus rien en France, on n'a plus rien dans le sens où on n'a plus une malle, plus un livre, plus rien. On a tout amené à bord avec nous, si tu veux. Alors Tim Charles, il est chargé, il est lourd. Et puis chaque fois, on dit, mais il faudrait qu'on le vide un peu, Tim Charles. Alors on le vide, on l'a un petit peu vidé, on a mis des choses dans les containers, on a envoyé. Et puis Tim Charles, il est toujours aussi plein parce qu'on s'arrête, on rencontre des gens. Et puis voilà, on a un bout de bois qui nous plaît. Oh non, ce caillou, on ne le reverra plus jamais, on le prend. Et puis voilà, Tim Charles, c'est un bateau, voilà. Et c'est ça, on dit tout le temps, mais Tim Charles est lourd, Tim Charles est plein. Tim Charles, il sera plein tout le temps, comme ça, quoi. Et ouais, Tim Charles, il s'envole. Il est très lourd et il s'envole. Tim Charles, il est capable de s'envoler. 12 tonnes sont capables de s'envoler, tu vois. Il y a des gens qui prennent des avions et qui trouvent ça normal que l'avion s'envole comme ça, lourd et tout ça. Et ben, moi, je ne trouve pas ça normal. Et puis, il y a des gens qui viennent nous dire, mais votre bateau, il est en acier, mais il ne coule pas. Mais je dis, mais attends, mais tu prends un avion, tu ne te poses jamais la question, tout ce qui est embarqué à bord. Et tu as peur de monter sur Tim Charles parce qu'il est en acier. C'est rigolo quand même ça, je trouve ça marrant. Oh non, en fait, je dis Tim Charles est grand, mais en fait, Tim Charles, il fait 11 mètres, en fait. Mais Pedro, c'est lui qui a fait le dessin intérieurement. C'est Pedro, il a acheté le plan d'un architecte naval et après, il l'a aménagé comme il le souhaitait. Et bien sûr, il m'a consulté avant, quoi. Ce qui veut dire que Tim Charles, il n'est pas conçu comme les autres bateaux, en fait. Donc 11 mètres de long, ça fait une surface au sol habitable de combien de mètres carrés? Ça peut se compter en mètres carrés sur un bateau? Oui, ça peut se compter en mètres carrés. Mais là, je ne sais pas te dire exactement, parce que comme ça part, si tu peux, ça part en V, ça part en pointe. Là, il faudrait que je demande exactement. Mais c'est tout petit. Hein. C'est vraiment petit. Ouais. Et là, quand on est avec Tim Charles en pleine mer, on y est pour combien de temps? Combien de temps on va passer dans cet espace très restreint finalement, qui flotte au milieu d'une immensité complètement incroyable? Qu'est-ce qu'on y fait sur son bateau? Comment on occupe ses journées seul au milieu de nulle part? Ben en fait, nous, on dirait pas le mot occupé, hein, parce que en fait, au milieu de l'eau, on est vraiment des petites fourmis, quoi. Et c'est ce qui est extraordinaire, justement, c'est la démesure, quoi. C'est le fait qu'on soit tout petit, mais qu'on puisse faire la route, qu'on puisse avancer, qu'on ait une sensation de liberté, malgré qu'on soit tout petit. Et ça donne, de la mesure avec le reste, justement. Cette mesure qu'on n'a pas à terre, quoi, je trouve. Ce qu'on y fait, eh bien, écoute, on est souvent dans la contemplation, en tout cas déjà, quoi. On passe des heures à regarder l'eau, à regarder le ciel, et puis avant tout, quand même, on fait l'écart, parce que nous, ce qu'on est sur l'eau, on n'a pas de radar, et on pense en fait que c'est nécessaire qu'on fasse l'écart. Donc en fait, on fait l'écart de 3 heures en général. C'est quoi faire l'écart? Alors en fait, l'écart, c'est la surveillance visuelle, quoi. Donc en fait, on navigue pas sur l'eau comme ça sans regarder l'extérieur. On n'est pas à l'intérieur du bateau à se dire on fait des milles, on a fait 3000, 4000, 5000, on est sur notre route. Non, en fait, on doit déjà toujours avoir une vigilance par rapport à l'extérieur, parce qu'on n'est pas tout seul déjà. Il y a les cargos, il y a les autres bateaux, il y a les pêcheurs. Là où on est vraiment bien, c'est au large. C'est quand on reste très très longtemps au large. Là déjà, au niveau de la sécurité, on a moins de surveillance à faire, quoi. Parce qu'on n'a pas tous les petits bateaux de pêche, tu vois. Ça, on est déjà plus relax et on se sent plus libre, loin des côtes. Loin des côtes, au large, tu te sens plus relaxé alors que tu n'as d'emprise sur rien en fait. Moindre problème, tu es vraiment au milieu de nulle part et tu peux compter que sur toi et Pierrot et Tim Chal. Ouais, mais en fait, près des côtes, pour moi, c'est la même chose en fait, quoi. Pour moi, c'est pas plus simple. Si on a le moindre problème, je trouve que c'est presque plus compliqué près des côtes, quoi. Parce que parfois, il y a des côtes que tu peux pas aborder, alors ça sert à quoi? Donc, enfin, moi, je trouve que puis je n'ai jamais pensé que on allait avoir des gros problèmes, même si on a eu un gros problème puisqu'on a dématé déjà en mer de Java. Dématé, ça veut dire quoi? Ben en fait, notre mât s'est cassé, donc on a dérivé une semaine en mer de Java, et puis bon, on n'a pas pu démarrer le moteur aussi parce qu'il y avait du. Enfin, on a eu la malchance de faire notre plein dans un endroit où ils ne respectaient pas trop les conditions. Et donc, en fait, notre cuve était pleine de terre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais si tu veux, je ne pense pas que ce soit plus simple près des côtes. Je ne pense pas que ce soit plus simple à terre. Je ne pense pas du tout, du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, à bord, on a beaucoup de choses, quoi. Puis on se connaît aussi, quoi. On sait que si on a un problème de santé, on se connaît suffisamment pour se dire, ben non mais ça, c'est pas la peine de trop s'inquiéter non plus. On relativise aussi parce que, comme tu dis, on est seul et puis on n'a pas la tendance de s'inquiéter aussi facilement, aussi rapidement. Même parfois, il faudrait qu'on s'inquiète un petit peu plus et bon. Mais on a aussi, bon, si tu vois, on a aussi une pharmacie à bord, on se connaît un peu, on s'imagine pas qu'il va nous arriver quelque chose de catastrophique, quoi. Pas du tout. Quels sont les risques? Quels sont les dangers en pleine mer? Par exemple, un de nous est blessé par la bombe, par exemple, ou passe à la mer. Ça, c'est quelque chose qui peut faire un peu flipper quand même. Il faut être extrêmement prudent. Nous, on dit toujours une main pour nous, une main pour le bateau. Si tu veux, ça, c'est quelque chose sur lequel... non, mais jamais, quoi. Je veux dire, parfois, je veux aller à l'avant, je veux faire un peu vite. Tu vois, j'ai quelque chose à la main, Non, ça, je ne le ferai jamais, quoi. Je me tiens tout le temps. J'ai tout le temps une main pour le bateau. Même si c'est très pressé, même si j'ai... Ça, je ne le fais pas, quoi. Quand ça bouge beaucoup, là. Non, mais même, c'est une habitude. Je me tiens tout le temps, quoi. Je me tiens tout le temps. Non, ça, c'est des choses avec lesquelles tu ne peux pas dire lorsqu'il fait beau, lorsqu'il ne fait pas beau, quoi. Si tu commences à le faire lorsqu'il fait très beau, tu ne te tiens pas, et bien après, tu vas perdre l'habitude de le faire. Et puis, voilà, quoi. Non, c'est des automatismes. Il faut surtout... Enfin, moi, je le fais tout le temps. Et Pierrot aussi, quoi. C'est très très important pour nous. Mais nous, c'est notre survie, quoi, hein, je veux dire. Hein. Nous, s'il y en a un qui tombe à l'eau, je ne sais pas si tu peux imaginer, et moi-même j'ai du mal à imaginer, aller récupérer, même lorsqu'il fait beau, quelqu'un qui tombe à l'eau. Ça, c'est vraiment flippant, quoi. Et quand la mer est déchaînée, quand tu te retrouves au milieu de l'océan par une tempête, ça doit bouger énormément, qu'est-ce que tu fais? Oui, en fait, c'est pas le fait que ça bouge, en fait. Ce qu'il y a, c'est que lorsque le temps change, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réduire il faut réduire. Il faut réduire tes voiles, quoi. Au fur et à mesure, enfin, je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut rapetissir la surface de voile que tu offres au vent. Donc, si tu as appris ça, et qu'au fur et à mesure que le vent monte, tu vois, tu prends des risques, ça s'appelle, tu prends des risques, tu raccourcis ta surface de voile, et si tu le fais au bon moment, en fait, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, parce que si tu veux, tu ne seras pas surpris. Ça va être progressif, voilà, tu vois, au fur et à mesure. Donc, moi, je suis avec Pedro, qui a enseigné la voile. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'ai 100% confiance, donc j'ai appris avec lui. Et donc on a toujours anticipé, on n'a jamais attendu qu'il y ait le gros coup de vent pour tout réduire, quoi. Donc quand tu anticipes, en fait, tu es en harmonie avec les éléments, parce que tu ne subis pas, si tu veux. Tu accompagnes, quoi. Puis ton bateau ne souffre pas non plus, tes voiles non plus, donc en fait, tu n'es pas trop inquiet, quoi, parce que tu sais que tu as aussi le pouvoir, toi, d'adapter et de, tu vois, de ne pas subir. Donc, après, lorsque ça bouge beaucoup, comme tu dis, eh bien, après, c'est la vie à bord. Hein. Il faut se cingler à la cuisinière pour cuisiner. Ça, c'est fatigant, quoi. C'est surtout que c'est fatigant. C'est surtout qu'après, bon, tu ne peux pas prendre une assiette et manger avec ta fourchette comme ça. C'est surtout qu'après, il faut que tu aies... Enfin, une cocotte minute ou une casserole qui soit profonde, et là tu plantes la fourchette et puis tu essaies de la mettre dans la bouche, quoi. C'est pas... Après tu arrêtes de manger de la soupe et tout ça, quoi. Après il faut s'adapter, quoi. Tu manges pas du couscous lorsque tu es au pré avec 25 nœuds de vent, quoi. Ça je l'ai fait une fois, après bon, j'ai tapissé le bateau, quoi. En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est rester longtemps en mer, en fait. Donc, on n'a pas été au Molucs, c'était volontaire, quoi. Donc, on a fait notre route, voilà, on est arrivé à Bali directement depuis Port Moresby. Ouais, on ne voulait pas s'arrêter. C'est vrai que, si tu veux, c'est pas qu'une île, c'est pas pareil qu'une autre île, c'est sûr, c'était des îles. Et puis nous, ce qui nous plaisait, en fait, c'était Bali, quoi. Bali parce que c'est... Parce que Bali, c'est encore hindou, et que Bali, Bali, il y avait une magie, quoi, qui s'opérait quand on disait le mot Bali, alors que les Moluques, les Raja Ampat, c'est beau, mais si tu veux, c'est beau, l'eau est claire et tout ça, mais on arrivait de la Polynésie française, on arrivait de l'océan Pacifique, alors si tu veux, nous, on avait besoin d'histoire, de culture, de coutumes, tu vois, on n'allait pas dans un endroit pour voir de l'eau claire et tout ça, tu vois, c'est nous, on avait envie d'autre chose, quoi, tu vois. Et puis, comme on savait que la coutume, et qu'on savait qu'à Bali, tu vois, ils vivent toujours avec, voilà, avec tout leur rituel, ça nous plaisait de venir ici directement, quoi. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre. Sentir. Toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.